Juste après le hip-hop instrumental électronique de Djibril, maintenant nous sommes passés au jazz caribéen avec Grégory Priva, le virtuose martiniquais. Son tout nouvel album Tales of Sipparis vient tout juste de sortir et je vous invite à aller le découvrir, Grégory Priva. On annoncera aussi peut-être à la fin de l'émission les différents concerts qui arrivent car il sera en concert sur Paris. N'hésitez pas à aller l'écouter, notamment au Baiser Salé où il organise régulièrement des jam sessions. L'album Tales of Sipparis, on précise que Grégory Priva sera très très prochainement l'invité de Conan B dans l'émission Musique Jeudi. On poursuit encore, cette fois avec encore une nouveauté, c'est Spirit Up Trio avec Jean-Michel Rotin pour le titre L'usine à l'Amour. Adam Lizine Alamou, l'album de Spirit Up Trio, qui en fait est le second album du pianiste Jimmy Felvia. Il a composé et créé ce groupe pour l'occasion avec Tom Bell, Thomas Bellon et JP Groove à la basse, Thomas Bellon à la batterie. Et donc c'est un album où vous entendrez différents invités de renom comme Afoura, Izzy Kenenga, Jean-Michel Rotin donc à l'instant, ou encore Métis. Allez chercher, écoutez cet album très créatif, toujours avec la couleur tout de même jazz caribéen. Et on va accélérer le tempo, cette fois avec le tout nouveau single, excellent single d'Anthony Drew, Première fois, un clip qui a été réalisé à New York. Allez sur YouTube voir un peu tout ça, et là on démarre en compas cette fois. Imagine eu si moi, amoni moi, mordi moi, oh non non. Chaque senti vos vannes aller, chéri, vine, puis moi, vini, pour moi, fais ça, eh. Si nous te joignons en soirée, on va tirer ça des poumons de danser, est-ce ou pas, oui. sourire juste en soleil levé. Les gens disent rien qui est nous. Ça qui est belle, ça qui est belle. When you're from the world, we'll crier au chéri. C'est parce que moi déjà quand même en dévoi au chéri. When you're from the world, we'll crier au chéri. C'est parce que moi déjà quand même en dévoi au chéri. Chéri, dis-moi ça moi pour faire, pour faire s'arrêter. Et c'est parce que ou qu'à bon moi, il m'a arrêté, gâté. Ton l'excitation, c'est que j'attiendé. Ou ça vous garante moi fou, moi pas mal élevé. Première fois moi, ouais, moi crie au chéri. C'est parce que moi déjà quand même, en dévoi au chéri. Parce que moi déjà quand même en dévoi, chérie. Moi, tu qui fais tout pour voir les trois bisous gâtés, toujours. Les moi crie au doudou, ça qu'a fait jaloux, mais y'a que j'aime bout. Oh, doudou fini, pour moi bon plaisir, pour moi faire sourire. Et les moi, wow, j'ai dit, j'aime mal à te vendre, tu fais nous, ouais, samedi. Première fois, moi, wow. Chérie, c'est parce que moi déjà quand même en dévoi au chéri. Première fois moi ouais, moi crier au chéri. C'est parce que moi déjà quand même en dévoi au chéri. Ouais, on l'a dit, awa, crevé, tchao, awa, t'en plairé, moi, bêta. Si il a dit, awa, qu'a ignoré, ma awa, parce qu'elle dit, même bêta. Famille, moi, capette, voix, parce que moi, a des lois, mais reine, pour moi, c'est wa. Bah il même pas ni loi. Et même si il y a un vent, même que tu es ou toi. Hey, première fois, mon world, mon crié au chéri. C'est parce que moi déjà quand même en dévoi, chéri. Première fois, mon world, mon crié au chéri. C'est parce que moi déjà quand même en dévoi, chéri. Une composition d'Anthony Drew arrangée par Staniski, le producteur très versatile de Guadeloupe. On remercie la production de l'artiste Anthony Drew qui nous a envoyé ce morceau, ce single inédit. Je précise que vous pouvez trouver tous ces morceaux sur les plateformes de téléchargement ou sur les sites respectifs des artistes. Et c'est grâce à vous que ces artistes pourront continuer, poursuivre et nous offrir de tels morceaux. On va continuer avec une énorme production, une nouveauté, l'album de Yanis Odua, réalisé en Jamaïque, le titre Rouge Jaune Vert, tout de suite. J'aimerais voir flotter dans les airs le capot rouge jaune vert que le conquering lion passe ma fille de l'atmosphère de la joie de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge jaune vert que le conquering lion passe ma fille de l'atmosphère de la joie de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. On place en premier le rouge qui montre que Rastafari bouge. Long dreadlocks ne veulent pas dire que ce sont des Rasta. On fait trop souvent l'amalgame en grand bas couler Rastamonde. Représentant de Jah voudrait mieux respecter ça. On essaie de suivre ces lois qui ne sont pas si dures que ça. Bobo, je le tribe sous Nayambo, le gars de la place pour toi. Si tes intentions sont clean, c'est le bienvenu, installe-toi. Regarde bien qu'il n'y ait pas de combine, les loups sont partout à la fois. J'aimerais voir flotter dans les airs le chapeau rouge en vert que le conquering lion passe ma fille de l'atmosphère que la joie de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs le chapeau rouge en vert que le conquering lion passe ma fille de l'atmosphère que la joie de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. Le jaune symbole du soleil qui rayonne. Le Mighty Eye sur son trône, sa magnificence impressionne. Vu tout l'amour qu'il nous donne, pour lui y'en a qui rigonne. Jusqu'à maintenant nous pardonne dans l'espoir qu'on se perfectionne. C'est peut-être le dernier rappel avant que toutes les cloches sonnent. Plus de temps pour les querelles, y'a plus de race, y'a que des hommes. Ça d'un complexe excelle, donc se contente de ce qu'on leur donne. La l'argent et leur rôleur fidèle qui veulent en avoir. Des temps j'aimerais voir flotter dans les airs le chapeau rouge en fer. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. De la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. L'album s'appelle Moment Idéal. Yanis Odua reviendra dessus car il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cet album. Mais on précise que dans Conelambi aujourd'hui, dans la musique jeudi, vous aurez tout à l'heure en deuxième partie d'émission une interview exclusive du rappeur guadeloupéen Maj Trafic. Et avant d'écouter cette interview, on va faire un petit passage du côté des Antilles pendant ces mois de juillet et d'août, puisqu'on sort tout juste des vacances. Et on va écouter trois sélections retenues qui ont bien marqué ces vacances en Guadeloupe et en Martinique. Mais on va démarrer avec un morceau très posé, avec un sujet très sérieux, mais d'un excellent album à cœur ouvert. L'artiste, c'est Monsieur Sadik. Et le titre, le clip que vous pouvez voir, le titre que vous pouvez acheter partout, c'est Alzheimer. Tout de suite. Ouais, mamie, pas bon. Il doit qu'à faire attention. Maman, elle veut t'attir. Chaye en consultation. Je retourne vers midi. Et devinez qu'à maman dit. Maman dit, docteur dit, mamie, Alzheimer. On dit, maman, souple, dit, docteur, y'a ses racontes bêtises. Mamie, pas mal, à souple, pas y'en faveur. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre Loïc et Lévi. Maman dit, docteur dit, mamie, Alzheimer. On dit, maman, souple, dit, docteur, y'a ses racontes bêtises. Mamie, pas mal, à souple, pas y'en faveur. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre Loïc et Lévi. On va qu'à comprendre, j'ai maladie, la savine, les yo dit, moi ça. On comprend, c'était un poisson d'avril. On pas bisé sable, on pas vini manger un poisson sans. Dit mamie, pas ni longtemps, t'es présenté mon chabine. Mais docteur dit ou pas quand même songer. L'envoi nous t'es timou, n'en peut pas quoi qu'elle oublie. Va bagarrer les loups, n'en qu'à penser, c'est un tige. Les parents café et puis nous, comme quoi on passe à mimi autiste. Qu'elle a posé des sons qui louent, mamie. Maman dit docteur dit mamie, Alzheimer. On dit maman souple, dit docteur, y'a ses racontes bêtises. Mamie pas mal, la souple, pas y'en faveur. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre Loïc et Lévi. Maman dit docteur dit mamie, Alzheimer. On dit maman souple, dit docteur, y'a ses racontes bêtises. Mamie pas mal, la souple, pas y'en faveur. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre Loïc et docteur, y'avait pas diagnostic là, ça. Y'a pas qu'on est femme solide là, ça. Aulette physique, y'a victoire, mais c'est ça, y'a tenu à save, mamie. Ainsi va la vie, tout le monde t'a ni oublié. En savou pour comparer les étiquettes, la vie, moi. Ou savent j'en dis bouga ou savant. En cette rapport, on met la ni faute à dents. En cas interdit, y'a des faits ou pour médicaments. Parce moi, y'en pas contactique. À quoi ça, docteur l'a dit? Maman dit, docteur dit, mamie, Alzheimer. On dit, maman souple, dit, docteur, y'a ses racontes bêtises. Mamie pas mal, la souple, pas y'en faveur. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre Loïc et Lévi. Maman dit, docteur dit, mamie, Alzheimer. On dit, maman souple. Maman dit, docteur dit, mamie, Alzheimer. L'artiste, Monsieur Sadik, un des très très bons artistes. Artiste reggae dancehall de la Guadeloupe. Allez écouter cet album à cœur ouvert. Beaucoup de thèmes intéressants. Mais bon, vous devinez bien que dans cette sélection des vacances, il y avait aussi des thèmes plus légers et des morceaux plus dansants. On enchaîne directement avec un artiste guyanais, Jayanai King, avec son hit 630. Et hey, aïe, tout de bon. International 630, yeah. Oi, gatinho. Eu quero te ver de cabeça pra baixo. Sou filé. Tu pode saber do circo que é um 6 o'clock. No quarto lá sem fome, acaba a tata. Mulher, vai é tu que é 630. 630, on position 630 once again. Street girl 6 o'clock. Nous comptons là c'est forma cabaya tata. Nous les voyons tout que 630 on position 630. Là y'a qu'à faire n'oblige ton mad. Nous comptons voyer tête en mi-temps y'a fun jump. Tout mon gal dem en position. And 630 father the instruction. Y'a bad y'a tout qu'à faire easy. Si maman t'a un gros cassant difficile. Y'a tout qu'on est clutch ça depuis qu'il y a petit. Y'a qu'à tout bête pour faire tout nous vins sicky. Bad my gal, tabacan. Mettez tout tête en mi-temps. Mais qui l'a rié? Why you say? 630. Sans savoir nous straight girl 6 o'clock. Nous comptons là c'est pour ma cabaya d'attaque. Nous le voyons tout qu'à 630. 630. En position 630 once again. Straight girl 6 o'clock. Nous comptons là c'est pour ma cabaya d'attaque. Nous le voyons tout qu'à 630. 630. En position 630. Hey, the boss, the baddest. The maddest. 630 car on the planet. The West Indies are Paris. To pa katonde a di 6-30, tout moun ka pale. Tout se fan ma kawaii, non plus kawaii. Di tout pay, di n'importe qui l'âge. Ki en boit dans son royo case. Alors Miguel pa pay the time. Ma prenne nous quitte en condition physique. Ma le wet au ka poche to ka maïgal. Ma prenne nous quitte encore play wicked. Parce que to ka moyen doit pi a maïgal. Tout moun savait le street quand 6 a clac. Nous comptons là se fan ma kawaii a d'attaque. Nous le voyons tout ka 6-30, 6-30. En position 6-30 once again. Street quand 6 a clac. Si vous ne connaissez pas le pas de danse 630, eh bien allez voir le clip de Giant Eye King. Et on termine cette sélection des nouveautés avec un extrait du nouvel album de Kalash, l'artiste dancehall de Martinique, qui a fait une super combinaison avec Pompis, le titre Independent Girl, et un son qui a bien marqué ses vacances également. Une de woman nous fait pas quitter en carrière. Independent girl, femme katabaya. Femme qui n'est clap, femme qui n'est faya. Moune passe à pas les bails, l'agent roi c'est taille. Femme un homme qui fait plus, non ma femme qui fait taille. Materialiste, nous pas l'état là. Femme d'entreprise, femme qui n'est maille. Make me feel aïe. T'as la pas plus de propenti pour y'aille pour pas écrédit. T'as la pas besoin de sang sinon qu'on bat le pédé. Non, t'as tout l'argent pas le dépôt comme me dit. Passe hinde, Independent, independent girl, independent girl, independent girl, independent girl. Dans un côté on fait nos travail, aux animaux. Développer cocher abdomino, tu sais abdomino. Qui sait faire son kilo, allongeant des formes ou qu'est-ce qu'on domino. Alright. Bon, j'ai bail tout en totalité. Voyons d'ici, peu, poum, poum, qualité. Et quand en real world, boy, pas guette en poule, amitié. Hinde. C'était la sélection de toutes les nouveautés qui ont retenu notre attention dans l'émission Code & Ambi Music jeudi. Et on va continuer avec l'interview de l'artiste Maj Traffic, anciennement appelé Traffic Jam, pour ceux qui l'ont connu à l'époque. Fin des années 90, en Martinique et en Guadeloupe, notamment avec le groupe Red Zone, le classique du hip-hop antillais également, du reggae. Mais il va mieux vous parler de tout ça. Notre équipe l'a rencontré lors du concert 2013 Flow organisé par Neg Lyrical à la Bracadabar récemment. Aligné devant une étoile, Konami. Une unique éclipse. Total. Je passe à l'attaque, hein, regarde la tech, hein, fait, je me fais une bonne étiquette. Hein. Ce type prête de l'échéance, défaut, des fois à défaut de te pendre, je te rentre étendu. Je te tue trop de conneries, t'as dit. Prendre pour un trop bon, tu me diras, t'es dur. C'est vrai, même quand côté, toi, t'es doux. Ici un paradis, mon QI, celui si ban va couillonner, mon QI. Même pas une femme à qui on dit tout le temps, putain, ton QI. Wow. Voilà une pluie de planète sur ce éclipse, c'est vous, mettez vite vos kawaii. Le groupe chrysanthème, c'est sorcier creuse, en tête à faire les choses comme il faut. Combien de fois que j'ai lutté pour éviter les faux pas comme il faut. Tu vois ça aux Antilles, à le niveau. Si bien que beaucoup de rappeurs pour les vacances, on y va. Ni vous ni moi ne voulons que le rap souffre comme le broca. Comme le broca. Grand con dénique ce genre de musique. Musique fière, faut-il frotter sur des sons style mazouka. Mais mazik fait avant tout lancer les neurones. C'est pour ça que depuis des lustres. Maj, bonsoir. Bonsoir frérot, si tu vois que je suis essoufflé et qu'on sort d'une scène. Alors justement, de quelle scène il s'agit? Alors il s'agit d'un événement organisé par Neg Lyrical, 2013 Flow. Apparemment, c'est pas le premier volet de l'événement. Moi, je savais pas qu'il y en avait eu d'autres. En tout cas, bon, c'est dans la même lignée qu'il y a 10-15 ans avec Lyrical qui faisait des soirées en Martinique quand je vivais là-bas. Bon, ben voilà, ça m'a mis dans cette vibe-là parce que on allait souvent dans ces soirées, donc c'était très good vibe. Et alors, on a tout de suite enchaîné sur la soirée, sur les raisons de ta présence ce soir ici avec nous. Mais en fait, Maj Traffic, c'est qui? Maj Traffic, c'est anciennement Traffic Jam. Donc, c'est-à-dire que j'ai officié dans le monde hip-hop caraïbéen. On va dire discographiquement, c'est depuis 97 avec Red Zone. Il y avait la combinaison qui s'est fait remarquer avec ABM à l'époque, 4B, 4 Bandits, qui avait tourné à l'époque, tout ça. Donc moi, je venais de la Guadeloupe, je suis né en Guadeloupe, j'ai quitté la Guadeloupe à l'âge de 17 ans. Non, 18 ans, ouais, je suis parti en Martinique pendant 7 ans. Et donc c'est en partant en Martinique que j'ai eu mes premières expériences discographiques, quoi, dès 97, avec Red Zone. Et après ça s'est enchaîné sur... je suis arrivé en 2001 sur Paname, j'ai tout de suite enchaîné avec un maxi en 2002, j'ai fait des combinaisons avec des gens ici. Ensuite, on va dire que dans mon parcours, ce qui a marqué aussi, c'est mon album Chrysalide en 2007, dont je suis particulièrement fier parce que c'était un travail de 5-6 ans non-stop. Donc c'est voilà, et que j'ai produit moi-même et j'ai ouvert mon label Indigenous Music par ce biais-là, à l'occasion de cet album-là. Et donc en 2012, j'ai sorti une mixtape qui s'appelle Sphinx Tête de Mort, il n'y a que des inédits dessus. Je l'ai donné gratuitement. Bon, après, j'avais dit qu'après un an de délai, ça allait devenir payant. Donc là, c'est payant. Mais en tout cas, voilà. Et dernier projet que j'ai sorti, c'est un EP 9 titres qui s'appelle Petite Prophétie. Et pour l'instant, il n'est en vente que sur les plateformes de téléchargement. Je t'ai fait un résumé rapide. Ah, très, très bien. Je vais juste m'attarder sur ce projet qui pour beaucoup est considéré comme un classique dans l'histoire du rap antillais, du hip-hop créole, Red Zone. Qu'est-ce qui représente pour toi ce projet ? Alors ce projet-là, moi j'étais déjà sur le premier volet de Red Zone en 97. On n'était que 6 dessus. Il y avait Yanis Odoi, il y avait Jama Keita, Liberty King, il y avait moi, et il y avait aussi les deux filles, donc Little Sista et Queen Levy Colcha. Donc principalement tous des artistes d'origine martiniquaise, il n'y avait que moi qui venais de la Guadeloupe et j'étais le seul rappeur entre guillemets pour le premier volet. Et donc pour moi ce Red Zone, ça représentait vraiment une grande école hip-hop à cette époque-là. On était encore dans l'âge d'or du hip-hop, voilà, c'était 97. Voilà, c'est l'âge d'or pour moi, c'était 95, 96, tu vois, on était dans cette ère-là. Et très sincèrement, quand le disque est sorti, je me souviens, Laurent Leduc, le producteur de Red Zone, est venu chez nous, chez chaque artiste, dès que le disque est sorti, pour nous mettre ça en main propre. Et c'était vraiment un jour inoubliable, tu vois, parce qu'on sentait à l'avance l'impact que ça aurait pu donner et que ça allait donner à cette époque-là. Et donc, c'était un plaisir de faire ce truc-là. J'en reparle souvent avec des artistes de Red Zone. Je dis, c'était vraiment nos plus belles années. Et puis par contre, je me suis rendu compte de l'impact en Guadeloupe que j'ai pas capté tout de suite. Tu vois, je me suis rendu compte de ça peut-être des années après, sincèrement. Et à part peut-être une scène qu'on a fait en 98 sur la place de la Victoire, je sais c'était bondé de monde, il pleuvait, les gens restaient, ils chantaient avec nous. Là, j'ai capté qu'il y avait un truc, tu vois, mais c'est la seule fois où j'ai capté, tu vois, mais voilà quoi. Et donc, pour moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une grande école hip-hop antillaise, quoi, Red Zone. Et justement, quel lien tu gardes ou tu as gardé avec le hip-hop créole et, on va dire, plus largement les Antilles ? Alors, en fait, moi, toute ma famille vit là-bas, tu vois, donc le lien, on va dire l'attachement, tout ça, bon, c'est pour moi, c'est mon pays, je suis né là-bas depuis des générations. Bon, pour préciser, je suis d'origine libanaise, antillaise, c'est très très mélangé, mais bon, je fais partie de la première famille libanaise qui a migré en Guadeloupe, donc on est là depuis fin 1800, tu vois, donc c'est bien ancré, je me sens chez moi en Guadeloupe. Et en fait, j'ai oublié ta question. Oui, non, c'est le lien. Là, tu viens de nous parler du lien avec les Antilles, voilà. Mais j'avais commencé la question avec le hip-hop créole. Voilà. Alors, avec le hip-hop créole, j'ai toujours été fasciné par le. Moi, j'ai découvert le hip-hop créole. Comme j'ai commencé très tôt le rap, j'étais déjà dans le monde hip-hop dès 88-89. Et donc, j'ai été témoin des premiers concours de graff en Guadeloupe. Il y avait à l'époque Groover, il y avait déjà Exos. Karuk et Rakrou, je sais même pas si ça existait encore, mais en tout cas Exos était déjà actif, le gars était DJ, le gars graffait. Il y avait Xavier Dolin qui est devenu mon infographiste aussi, qui est plus connu sous le nom de Xavibes, qui faisait partie de mon groupe Contrôleur Divin à l'époque. C'était mon premier groupe. Et donc je tout ça pour te dire que dès cette époque, je me souviens qu'on entendait par le biais des cassettes enregistrées chez Sun FM en Martinique, des freestyles de Nek qui pas qu'a fait la fête, justement. Et ça a été effectivement le premier groupe antillais qui rappait en créole que j'ai entendu, et ça m'a tout de suite fasciné. Simplement, moi, je sais que dès cette époque, je visais le marché métropolitain. En fait, j'avais envie de me frotter au MC en France, tu vois. Donc, j'ai plutôt travaillé le rap français. Mais j'ai toujours gardé cette fascination pour le rap créole. Et même aujourd'hui, si tu veux, bon, moi, je vais souvent sur Calotte Lyrical regarder ce qui se fait aujourd'hui, même si les jeunes que je vois là n'étaient pas nés quand j'ai commencé, tu vois. Mais je veux voir le niveau. Voilà, moi, je peux te dire que pour moi, de ce que j'entends, il y a beaucoup de talent. Pour moi, il y en a un jusqu'à encore, j'ai pas écouté ce qu'il fait depuis un an et demi là, mais je sais que Yong Chang, pour moi, m'a fait une très très grosse impression en termes de lyrics. En créole, j'ai trouvé ça très très lourd parce que le gars est productif, le gars est issu d'une famille artistique, tout ça, et ça se ressent. Le gars est vraiment très doué, Bon, je peux te citer d'autres gens, mais lui particulièrement, j'accroche beaucoup. Mais sinon, je suis très intéressé par le hip-hop créole toujours aujourd'hui. Alors, maintenant que tu vis dans l'Hexagone, tu le disais tout à l'heure depuis quelques années maintenant, et moi qui suis amateur de ton travail et auditeur de ce que tu fais, assidu, je dirais que tes récents projets s'inscrivent davantage dans un rap français plus large, hein, tu l'as dit un peu tout à l'heure. Comment un Antillais comme toi peut se faire une place dans cette industrie du rap français? En fait, c'est de la même façon que des gens nés ici, des amoureux du hip-hop nés ici, se battent pour faire leur place. Je pense pas qu'il y ait une barrière particulière pour nous, si tant est que l'on a travaillé le rap en français. Parce que j'ai déjà croisé beaucoup de têtes dans mon parcours de rap français qui étaient très très très fascinés par le rap créole. Je peux te dire Roka à l'époque, j'ai travaillé un petit peu avec Fat Taf. Des artistes de Fat Taf, je me souviens, m'en parlaient. Il y a Doudou Masta que j'ai croisé il y a très très longtemps. Tous ces gens-là que j'ai croisés étaient très impressionnés par le travail rap créole et reconnaissaient la langue mélodieuse, un petit peu comme le rap Quinry et tout ça. Mais je pense que si un rappeur créole ne sait pas, on va dire, n'a pas eu la vision d'attaquer le marché hexagonal, c'est là qu'il aura des difficultés. Ne serait-ce que parce qu'il y a un esprit ici, en fait, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'ai... Ça fait quand même 12 ans que je vis sur Paris, donc je connais un petit peu leur style de galère, qui sont pas très différentes des nôtres, mais je pense qu'il faut un minimum de vécu ici, et les gens, inconsciemment, le public ici, qui est né ici, ressent ça. Il ressent que tu as capté une vibe d'ici, et c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais je me souviens quand je suis parti de Martinique en 2001, justement, LLD, Laurent Leduc de Red Zone, le boss de Red Zone, qui était plus vieux que nous, tu vois, à l'époque, il avait 35 ans, nous, on avait la vingtaine. Il nous disait, mais Trafic, pas comprendre que, ok, il vient Paris, et puis c'est bon, hein. Je te donne 5 ans pour réussir. Je lui ai dit, mais si, ça, je pars pas. Tu vois, et je me suis rendu compte que c'est pire que ça. Il m'avait déjà prévenu 5 ans. Si je savais que j'aurais galéré autant, enfin, galéré, que le temps passe aussi vite dans la musique, que c'est pas si évident que ça, je pense que je serais parti un petit peu découragé. Je serais parti quand même, mais je serais parti quand même un peu découragé. Mais tout ça pour te dire que je suis arrivé ici avec de l'envie, de la motivation. Et je pense que c'est vraiment qu'aujourd'hui, parce que j'ai pas mis toute mon énergie dans le hip-hop pendant toutes ces années. J'ai eu ma petite famille aussi, j'ai 3 enfants, tu vois, j'ai des choses à gérer. Donc je pense que ça aussi, ça a fait que ça prend du temps. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai capté, je suis arrivé à cette vibe. Que le public ici check bien, tu vois ce que je veux te dire. Ça veut pas dire se formater techniquement et lyricalement dans le format ici, hein, c'est pas ça, c'est une question de vibe, peut-être de certains thèmes, la façon de dire certaines choses, puisque moi je suis toujours chaud pour essayer d'être le plus original que possible, donc voilà. Et justement, quels sont les thèmes que tu abordes en général dans ta musique? En fait, pourquoi j'aime le rap? Parce que c'est bien sûr, à la base, c'est une musique soit festive, soit revendicatrice, si tu veux. Mais c'est très, très large. Il y a tellement de vibes de rap. Moi, je suis quelqu'un, déjà, j'ai l'éducation caraïbéenne. Donc, des fois, je me contiens pour ne pas trop me lâcher dans des vibes qui sortent un peu du hip-hop, tu vois. Et bien que plus je prends de l'âge, plus je me lâche dedans. Puisque musicalement, tout ça, c'est intéressant. Mais voilà, quoi. C'est, je sais plus ce que tu me disais. Non, je te posais la question des thèmes. Alors, voilà. Moi, ce que je peux dire en tant qu'auditeur, Maj Trafic, d'après moi, utilise beaucoup de références aux, ce que j'appelle aux figures mythiques, hein, même que ce soit dans l'art, dans la sculpture, la figure historique et autres. Ce qui le démarque, je dirais, de beaucoup de ses confrères. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je suis agréablement surpris que tu fasses référence à ça. Moi-même, je n'y pensais même pas quand tu m'as posé la question, parce que c'est quelque chose dont on est conscient pendant la phase d'écriture. On rentre dans un monde, on est dans, voilà, on limite à un moment donné, je ne sais même plus si c'est moi qui écris, tu vois ce que je veux te dire. On est vraiment dans une sorte de transe, et c'est une habitude que j'ai prise maintenant. Et quand tu sors de ça, tu oublies certaines choses. Et là, le fait que tu me parles de ça, c'est vrai, tu me fais même remarquer en direct, là. Les références, en fait, c'est parce que j'ai quand même la volonté, mon but quand j'écris, c'est quand même une œuvre artistique. on essaie en tout cas que ça le soit le plus que possible. Et il faut absolument susciter chez les gens une réaction positive, que ce soit de leur apprendre quelque chose ou alors un impact de punchline, comme ils disent, ou quelque chose qui reste dans leur mémoire, qu'ils ont envie d'écouter plusieurs années après. Donc c'est un travail vraiment que je tiens beaucoup à ce que ce soit de grosse qualité, tu vois. J'ai envie que demain, quand je ferme les yeux, ces machins-là sont toujours là, tu vois. Donc c'est vraiment quand je fais référence justement à des figures comme tu dis, c'est parce que je vois la chose dans une grandeur, quoi. Ça doit être grandiose. J'ai besoin de faire des références, justement référence à des références, tu vois. Faut pas qu'on soit en bas, faut qu'on vise le haut, tu vois. C'est dans cette vibe-là que je suis en fait. Donc tout à fait. Et tu as cité tout à l'heure en fait donc les différents projets que tu as pu mener. Je pense à donc à Chrysalide, Sphinx, Tête de Mort et Petite Prophétie, si je ne me trompe, oui, pas. Tout à fait. Alors avant de parler un peu de tes projets, tu nous as parlé d'Indigenous Music, oui, ton label. Pourquoi l'as-tu créé ? En fait, j'ai créé ce label avec mon associé qui s'appelle Fafat. Donc on l'a créé, je te disais, ouais, peut-être 2 ans avant la sortie de Chrysalide, donc en 2005. Et la sortie du Chrysalide, c'est 2007. Donc on l'a créé tout simplement pour sortir, si tu veux, j'avais croisé beaucoup de producteurs au cours de ma carrière, si tu veux, et je me suis rendu compte en prenant de l'âge que j'étais trop têtu et que je ne voulais pas faire de concessions avec qui que ce soit. Et à partir du moment où tu as quelqu'un, une tierce personne qui te produit, tu ne peux pas être à 100% maître de ce que tu fais. Sinon, la personne, c'est un financier, il ferme les yeux, c'est pas ce que tu fais. Si c'est un producteur, il va donner son avis, il va rentrer. Et au final, ça donne un travail d'équipe, ce qui est très bien. Mais pour ma part, dans les délires dans lesquels j'ai envie d'aller, c'est de l'art que j'ai envie de faire et j'ai besoin de m'exprimer à 100%. Donc, j'ai dû effectivement monter ce label pour pouvoir être libre, quoi, artistiquement. Non, regarde ça. Ça, c'est une chenille. Elle va tisser sa main, puis rentrer dans sa crie. Chrysanthème ? Non, chrysalide. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, hein ? Et autour de la chrysalide, il y a le cocon. Ce sera un papillon. Ce truc horrible, un papillon ? Ah oui, oui. Au pilotage, c'est mage. On teste des zincs. Que le monde sache, c'est l'ouest des Indes. Je casse le délire, fracasse le menhir. Gaulois portant dans une main des doigts, j'en ai 5. Vous gratifie, le mélérical gratifie. Les termines comme nous, ça se raréfie. Comme l'oxygène en altitude, mes titres en titu. Tu colles al, bolong l'harmonie. Les titres en titu. Quand je colle al, une raclée sur chaque joue. Yammer chaque jour, on se colle à l'instru. Putain de génération, nos futurs, tous big and tall, un peu comme nos futs. Aucune date de péremption dans l'écriture. Le temps purifie, ne reste que les détritus. Mes exocètes détruisent tout sur leur passage. Après l'effort, mes courbatures méritent un massage. Les dieux du rap me laissent le brassard. Et les autres MCs de crier tout, mais pas ça. Une putain de créature, grandit dans l'obscur. Porte le coup de grâce dans tout ce bazar. Le passage, rien ne l'obstrue. All timer, dans l'undercover. Un cocon, une Colombie. Un leader, une renaissance. Un coup de soleil, fini le sommeil. La chrysalide fissure, voilà c'est fichu. Chrysalide Colombie. Chrysalide. Je suis l'horloger, beaucoup trop à la bourre pour dire bonjour. Donc Maj, on était en fait à tes projets, donc on a parlé d'Indigenous Music. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets actuels et à venir ? Alors en fait, comme je t'ai dit, le dernier projet que j'ai fait, c'est il y a quelques mois, donc cette année, Petite Prophétie. Donc c'est un EP, 9 titres, qui est censé préparer la venue d'un album plus conséquent, qui va s'appeler Nostradamaj. Donc tu vois, c'est dans un délire de vision futuristique, tu vois, Petite Prophétie, Nostradamus, Nostradamaj. Donc c'est un concept, j'aime bien mettre des concepts, tu vois, même pour Chrysalide en 2007, je devais sortir Effet Papillon juste après, tu vois, de passer du Chrysalide au Papillon. C'est des concepts que j'aime avoir. Bon, l'Effet Papillon n'est jamais sorti parce que, entre-temps, il y a tellement d'artistes qui ont utilisé ce nom suite à la sortie du film, etc., que je me suis dit, bon, ça ne sert à rien, donc je suis passé à autre chose. Cela dit, j'ai quand même fait Sphinx Tête de Mort. Sphinx Tête de Mort, c'est une variété de papillons, justement, qui est présente dans le film Le Silence des Agneaux. Donc, tu vois, je suis toujours dans ces références-là. Et donc, les projets à venir, comme je t'ai dit, Nostradamaj, j'essaie de préparer en même temps un album caraïbéen, où justement je vais me lâcher, peut-être même qu'il sera pas du tout hip-hop, je sais pas. Tu vois, en tout cas, ça va partir dans les chants, dans le créole. J'ai vraiment envie de faire de l'acoustique. J'ai envie de faire un petit peu de musique pour le peuple entier aussi, hors hip-hop même, tu vois, général, tu vois. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, peut-être avec l'âge qui monte, je sais pas. Mais en tout cas, c'est en préparation en même temps. Je prépare deux albums, quoi. D'accord. Je rebondis sur l'aspect chant. Il me semble que dans un télérique, dans un de tes textes, tu dis que tu es un rappeur qui chante. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette facette de ton travail artistique ? Alors en fait, il faut savoir que moi, je chantonne depuis tout petit. J'ai toujours été artiste dans ma tête, tu vois. Donc j'ai découvert le hip-hop en 88. Je suis tombé love de ce mode d'expression, le caractère un peu rentre-dedans, tu vois, l'art sur les murs, la danse, tout. Je suis tombé amoureux de cette culture. Et donc le chant est arrivé bien plus tard, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai commencé le rap, fallait pas entendre parler de chant pour moi, dans le rap en tout cas, tu vois, les mélanges comme ça ne me convenaient pas du tout. Je peux même te dire que le featuring avec Method Man et Mary J. Blige à l'époque, j'étais même offusqué. Pourtant je respecte Mary J. Blige de son côté et Method de son côté, mais je me suis dit non, faut pas mélanger, tu vois, j'étais vraiment dur dans l'aspect hip-hop pur. Et donc, c'est justement en arrivant en Martinique que j'ai un petit peu métissé mon avis là-dessus. Surtout que Laurent Leduc de Red Zone s'acharnait à rendre tous les rappeurs qui passaient par là toaster. Parce que lui, à la base, était plus dans la mouvance dancehall. Et je peux te donner l'exemple de Lyricson qui s'appelait BGP à l'époque et qui est rentré en tant que rappeur l'année d'après à laquelle je suis rentré. Et il s'appelait BGP, il rappait en anglais. Et effectivement, je pense que l'influence de Laurent Leduc l'a orienté sur le chant. Et puis avec son vécu aussi personnel, il avait des choses à faire rugir, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il est parti dans cette vibe de reggae, etc., naturellement. Et tout ça pour te dire que ouais, dans cette école de Red Zone, on était conscient que nous faisions partie d'un hip-hop caraïbéen. Avec aussi l'influence un petit peu de Fugees qui nous donnait l'exemple, où les mecs rappaient, chantaient, etc. On s'est dit, mais nous sommes caribéens comme eux. C'est dans cette voie-là aussi qu'il faut aller de temps en temps, même si on était adepte du rap pur et dur. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de mettre des petites intonations dancehall, chant, rap mélangé. Et je me suis rendu compte que arriver sur Paris, ça faisait partie d'une de mes facettes les plus originales ici. Les gens, la preuve, quand je suis arrivé ici, tous les artistes rap que j'ai croisés ne me voulaient pas en rap, ils me voulaient en chant ou en dancehall. Je peux te donner des exemples. Le premier, ça a été John Galli. C'était beaucoup de MC sur le 9-4. Du 9-4, il y avait John Galli, Surin, Pagaille, tout ça, c'est les mecs du 9-4, tous ces frérots-là. Et plus récemment, il y a eu Cynic aussi, sur son dernier album, La Plume et le Poignard. Il m'a demandé de faire des vibes reggae sur le refrain de son morceau avec Alonso. Je crois que ça s'appelle, Légitime Défonce. C'est un truc sur la zèbre, quoi. Donc il m'a fait faire un truc sur le refrain, voilà. Donc c'est pour te dire, les rappeurs m'appellent le plus souvent pour ça. Au début, je le prenais un petit peu mal au fond de moi. J'y allais par politesse artistique, on va dire, et par vibe humaine. Mais je me disais, pourquoi les frères ne m'invitent pas en tant que rappeur? Et c'est parce qu'il y a trop de rappeurs ici. Les mecs ont besoin que je leur apporte une autre richesse, ce que j'ai compris après. Donc ça fait partie d'une corde avantageuse que j'ai et que j'utilise pour moi-même aussi, donc voilà. En parlant de rappeurs français, il y en a un avec lequel je sais que tu collabores, tu as collaboré et tu collabores encore. D'ailleurs, sur Petite Prophétie, il y a un titre avec lui. Il s'agit de Nak. Alors, je dois dire à titre personnel que ce sont des morceaux que j'apprécie particulièrement parce que je trouve vos styles complémentaires. Et d'ailleurs, je me permets de dire, suggérer une petite idée à Maj, je l'ai en face de moi. Peut-être un album en commun. Bon, c'est une idée que je te glisse comme ça. Mais voilà, Nak. Apparemment, ben, vous travaillez ensemble, vous avez travaillé ensemble. Comment s'est faite la connexion et comment ça se fait que vous travaillez ensemble ? Alors, dans mon parcours ici, comme je suis arrivé ici pour le hip-hop, bien sûr que j'ai eu l'occasion mille fois de croiser du monde, des gens, etc. Au temps où je travaillais avec Gaz Demol, c'est le premier label qui m'a signé en indépendant ici. C'était l'équipe de This Is La Peste à l'époque. C'était JMD et Lolo, c'était respectivement les DJ, compositeurs et managers de This Is La Peste à l'époque. Et donc, quand This Is les a quittés, on va dire, businessment, il est parti dans d'autres horizons. Et moi, j'ai été leur nouvel artiste après. Donc, on a travaillé ce maxi qui s'appelait Symmetric Man. en 2002. Et on va dire que l'année d'après, si tu veux, par rapport à ce maxi, j'ai fait une tournée de toutes les Black Radio de France, j'étais un peu partout. Et de bouche à oreille comme ça, un jour, Nak est arrivé au studio de Gaz Demol et il a entendu mon morceau Les Murs, parce que je l'avais déjà écrit depuis longtemps, ce morceau. Et voilà, et je sais que là, il a eu, une première empreinte de moi. Je sais qu'on se connaissait un petit peu par clip interposé. J'avais mon clip « Il préfère nous dire fou » qui tournait beaucoup en télé, surtout les télés un petit peu underground. Et je sais que Nak m'a dit après qu'il m'avait déjà capté là aussi. Et en vrai, on s'est capté quand ? Par un ami interposé, en fait, un ami de Bobigny comme lui. Qui travaillait dans le studio en haut de Gaz Demol et qui bossait des fois avec nous. Voilà, il nous a présenté un jour parce qu'il voulait confronter les plumes. Et donc ça s'est fait naturellement. On s'est mutuellement invité sur nos projets. Lui m'a invité en 2006 sur sa mixtape Street Minimum où je fais un morceau avec lui et Joe Lucchesi. Joe Lucchesi qui est un artiste de Neochrome. Du label Neochrome. Et moi, je l'ai invité l'année d'après sur Chrysalide, donc sur le morceau Salaire de ministre. Donc, humainement, ce que je voulais te dire, c'est que Nak est quelqu'un de particulier. C'est-à-dire que quand je dis particulier, c'est dans le bon sens. Il a une rare honnêteté humaine avec les gens. Le gars est vraiment carré. Et ça se ressent dans son attitude rapologique. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête sur les délires de street crédibilité et tout ça. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'artistique. Et qui est à fond sur la plume comme je le suis aussi. Donc par rapport à ça, humainement, c'est quelqu'un de très carré, très sérieux. C'est quelqu'un qui a qu'une parole. Tu vois, il y a un feeling qui s'est fait naturellement. Je pense que tous les gens qui côtoient Nak peuvent dire la même chose. On se voit pas beaucoup, hein, mais quand on se voit, il se passe quelque chose en fait. Donc en gros, voilà comme ça que ça s'est passé. Donc je l'ai resollicité effectivement pour mon dernier projet parce que. Je vais te dire pourquoi aussi, parce que j'aurais pu dire, bon, ça y est, je l'ai déjà eu là, je vais pas le rappeler encore. Le truc qui se passe, c'est que je suis un petit peu sauvage, ça c'est mon caractère. Peut-être, je sais pas comment expliquer ça, mais je n'aime pas trop faire de feat avec des gens que je ne connais pas. Et je n'aime pas non plus aller appeler les gens. Je préfère qu'ils tombent par hasard sur mon travail et que, voilà, tu vois, que les choses se fassent en feeling. Mais je sais très bien que dans ce monde hip-hop, il faut un petit peu provoquer le destin. Donc maintenant, quand j'apprécie un artiste, j'essaie un petit peu, par personne interposée ou moi-même, de faire quelque chose, de connecter quelque chose. Voilà pourquoi j'étais encore dans cet état d'esprit pour Petite Prophétie. Donc j'ai appelé des gens que je connaissais, en fait. J'ai appelé Nak, j'ai appelé le frérot Lyricson. Et j'avais pas envie pour un EP de mettre trop de featuring, mais en fait j'ai appelé mon frère aussi, mon petit frère qui s'est mis à la musique en cachette, je ne savais pas, tu vois. Moi j'ai découvert il y a 3-4 ans, c'est l'un des plus jeunes de mes frères et qui n'est pas du tout dans la vibe, mais dans la vibe musique, enfin je pensais, mais en tout cas il m'a donné une bonne vibe sur Pomme de Top, Mada Jack. Et donc voilà, à part ces invités famille, on va dire, voilà, j'ai pas invité d'autres. Il devait y avoir Saya aussi. Saya, je l'avais invité aussi, mais le morceau que je l'ai fait enregistrer, j'étais pas convaincu par l'osmose avec les voix qu'on avait faites. Donc finalement, pour pas perdre de temps, j'ai zappé le morceau, mais elle risque de se retrouver sur le prochain projet. Voilà. Et j'essaierai d'appeler aussi des gens que je ne connais pas forcément à fond, tu vois, pour essayer de confronter les plumes, qu'artistiquement ça soit intéressant. Et voilà. Et sinon, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Une fois, je sais qu'on en a parlé avec Nak de faire un truc en commun. Mais on avait conclu une chose, c'est que tant que nous ne sommes pas tous les deux arrivés dans un sommet qu'on estime être un sommet, on s'est dit ça ne sert à rien de faire ça, vaut mieux faire ça quand on aura un minimum enfin lui il l'a déjà plus que moi, mais un minimum d'impact, de buzz, on s'est dit que ce serait plus avantageux de faire ça à ce moment-là, après ça se fera peut-être, mais en tout cas on y a pensé quoi. Tu parlais de Nostradamus, donc le futur, hein. Tu parlais même de vision du futur et avec ce prochain projet, voilà les. Tu parlais éventuellement d'invités, tu as une idée en tête, si tu peux te permettre de donner des noms, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as une idée de ce que ce sera cet album, Nostradamage. Alors juste avant de te répondre à ça, j'ai oublié aussi, j'ai invité aussi d'autres membres de la famille musicale, c'est Coke & Smoke, nommé CNS, Cap qui est plus ou moins en discussion avec nous pour entrer dans Indie Genius officiellement. C'est Cap, c'est un gros talent de Noisy-le-Grand. Il rappe depuis longtemps. C'est quelqu'un, je sais, qui a impressionné beaucoup de têtes aussi qui l'ont croisé. C'est un mec vraiment lourd qui est sur mon morceau 50-50, donc avec aussi un autre membre de la famille musicale qui s'appelle Enzo Original aussi. Donc voilà, tout ça, c'est des membres de la famille, je voulais préciser. Sinon, pour Nostradamage, pour l'instant, je suis sur mes morceaux solo. Mais ce que je peux te dire, c'est que je n'exclus pas d'artistes en particulier. Je suis ouvert à, tu vois, à travailler quelque chose avec n'importe qui. Sinon, qu'est-ce que j'ai en vue en featuring je sais pas, j'aimerais bien me frotter à des rappeurs que j'appelle les rappeurs les résistants du boom bap. Un petit peu à l'ancienne, du rap à un petit peu les beats pas trop actuels, comme des mecs comme Flint, des mecs comme Sir lui-même, des mecs comme dans le monde hip-hop ici, il y a qui d'autre je sais pas moi. Moi, je n'aurais pas dit non à Youssoupha, je trouve que sa plume est pas mal du tout. Mais Youssoupha, je suppose qu'il y a embouteillage pour le tchèque. sinon, ouais, là tout de suite, je sais pas trop quel nom te dire, mais... Moi, je suis conscient d'une chose, c'est que dans le rap francophone en général, et quand je dis francophone, j'inclus aussi le rap créole, il y a beaucoup de talent, tu vois. Après, c'est une question de goût, de vibe. Moi, tout va dépendre de la vibe, de l'univers de mon album, mais voilà, je n'exclus personne, en fait. Il faut que je vois. Je peux pas te dire vraiment, en fait. J'ai quand même envie, avant de conclure, de poser la question par rapport à l'autre album dont tu nous as parlé, on va dire, avec plus une vibration caraïbe. Et là, pareil, un peu la même question. Est-ce que tu sais déjà où tu vas aller? Dans quelle direction artistique tu vas aller? Ce que je sais, c'est que je vais essayer de... En fait, au début, quand j'ai eu l'idée de faire cet album, c'était autour du morceau L'Agent, que j'ai sorti comme un morceau expérimental, tu vois. C'est un morceau qui est sorti... Bon, la composition, c'est BG, avec qui j'ai travaillé sur Chrysalide aussi, avec Kiddy Wiz également. Et... Le morceau n'était pas abouti au niveau du mix, au niveau de tout ça, mais je l'ai quand même lâché sur le net pour avoir un retour, quelque chose, et j'ai eu un très très bon retour sur ce morceau, et je me suis dit, mais pourquoi pas me lâcher un petit peu dans ce sens-là. Donc je pense que ça va tourner autour de ça, mais peut-être, c'est pas peut-être, très certainement avec plus d'instruments acoustiques, des choses qui sonnent vraiment live, une espèce de concept, de vibe... vraiment musical, donc ça va tourner autour du titre L'Agent. Moi, dans l'idéal, j'aurais aimé faire que du créole et que du chant, tu vois, donc ça peut très bien partir dans ce sens là donc on va voir, quoi. Et ce sera un projet officiel ou on va dire entre guillemets underground au sens hip hop du terme? Non, j'ai envie de le sortir comme tout projet caraïbéen qui sort aux Antilles, qui soit, voilà, qui tourne comme les albums de Zouk ou je ne sais pas, moi, qui soit vraiment officiel. Je veux vraiment qu'ils sortent en physique. Limite, je crois que je vais faire le business avec des gens du réseau déjà, même si c'est Zouk, Dansol, je m'en fous, mais qu'il faut que le circuit soit en place sur ça. Il faut vraiment que... J'ai pas envie que ça sorte underground du tout. Je veux que ça soit abouti et que le maximum de personnes de la communauté antillaise ou plus... s'intéresse au projet et puisse écouter ce projet. Maj, peux-tu nous donner des contacts où on peut te joindre et ou suivre ton actualité? Alors, comme je connais pas par cœur les adresses mail, en fait, pour me booker ou alors me check tout ça, bon, moi je suis quelqu'un qui ouvre la porte facilement à la communication avec les gens sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, mais vous n'avez qu'à taper mon nom, il suffit de mettre la bonne orthographe de mon nom dans Google, vous aurez tous les réseaux sociaux, de Facebook à Twitter, et dedans vous aurez toutes les adresses mail, que ce soit pour il y a un mail attaché de presse, un mail pour Booking Maj Traffic, un mail pour m'avoir moi directement. Donc vous allez directement, vous tapez Maj Traffic, M-A-J espace Trafic, T-R-A-F-Y-K, dans Google, et vous aurez tous les réseaux sociaux officiels de moi. Maj, un dernier mot pour les auditeurs de l'émission Conlambi? Eh ben écoutez, je souhaite bonne continuation à cette émission, que je ne manquerai pas d'écouter à partir de maintenant. Et voilà, je dis le meilleur pour tout le monde dans ces temps difficiles. Et puis, ne pas oublier... que voilà, dans la vie, il faut essayer au maximum de faire ce que l'on aime vraiment et de s'écouter soi, d'écouter son cœur. Et donc, big up à tout le monde et puis bonne chance dans ce que vous entreprenez. Maj Traffic, merci. Yes, I. Merci à toi. Conlambi. fucking modest con. Fuck, tu fermes ta gueule deux secondes. C'est mon majeur qui fait jouir la Joconde. Elle kiffe comme Lisa Monet, cette bitch de Mona Lisa. Entretien exclusif avec Maj Traffic. On va terminer très rapidement l'agenda du mois, parce que c'est un mois chargé en événements musicaux caribéens. Au Baiser Salé, Grégory Privat tous les dimanches et lundis du mois en jam session. Célia Wa en concert, toujours au Baiser Salé. Il y a également deux gros festivals au New Morning, également à Sarcelles, autour du Belay et du Gros Cas. Et on va écouter, juste avant de terminer, un extrait d'un autre artiste producteur d'origine libanaise, également comme Maj Traffic, mais il s'agit cette fois d'Henri Debs, qui nous a quitté le mois dernier. Et pour ceux qui connaissent et pour qui peuvent regarder sur toutes leurs pochettes de disques vinyle antillais pour les disques les plus majeurs, ils viennent de son label Debs, et on va écouter un petit extrait pour terminer l'émission. Musique jeudi, Conan Ambi.